Ce signal de position indique qu'il faut céder le passage aux usagers venant de gauche ou de droite, mais n'impose un arrêt si la voie est libre.